Dis-moi, je vois des sombres, des trucs pas nets. Creuse ma tombe et à ma mort je te connecte. Ces négros sont des kamikazes, ils veulent être connus. Ils payent pas leurs dettes, donc souvent ils finissent tout nus. Surtout sois tard, si ton but c'est de m'étonner. J'ai vu des mecs avoir leur gloré. Je suis fatigué, de me méfier, de devoir anticiper. Et c'est la guerre pour des secteurs. Ouais, la guerre pour des poufias. Un concert de pleurs, car c'est la guerre des liasses. Le tout évacué en boîte ou dans un kyriade. Y'a eu l'Odyssée, l'Iliade. Maintenant c'est les contes de la vérité, c'est légende. Désolé si je vise pas les jambes. Ouais, désolé si je tire, c'était pas méchant. Self-défense face à l'armement de l'assaillant. Ou un compte à régler simplement. Ces négros sont des kamikazes, mais les gaz, envoie la chose que je les baisse tous. Calmez-vous tous, ma tête tous. Vas-y chica, croque la vie d'être douce. Ces négros sont des kamikazes, mais les gaz, envoie la chose que je les baisse tous. Calmez-vous tous, ma tête tous. Vas-y chica, croque la vie d'être douce. NZ est fatigué de se vénère. Je vais mourir en colère. Crise de nerfs aiguë, définitivement têtu. Je m'emporte et peu importe si je l'emporte de la sorte. Paranoïa active, l'ambition à job Steve. J'ai vu pour mes 27 ans pensant à Mandela. Mon âge c'est ces années de carte là. Génération Romario, Nintendo Vegeta. J'étais un original bad boy sol. Oh, je veux le salaire à Natal. Nique sa mère, j'ai la dalle. Le mal par le mal, par une armée de femmes. Je suis maudit narchétane. Je joue aux échecs, pas aux dames. Dans mon cœur c'est l'hiver. Je vis dans un HP, un ciel ouvert. Ta tête est plus importante que toi. Pour elle, on va t'enlever ton toit. Ta famille va te quitter, tu vas te suicider. La street, c'est pareil. Ici, c'est le beat qui règne. Ces négros sont des kamikazes, mais les gaz, envoie la chose que je les baisse tous. Calmez-vous tous, ma tête tous. Vas-y chica, croque la vie d'être douce. Ces négros sont des kamikazes, mais les gaz, envoie la chose que je les baisse tous. Calmez-vous tous, ma tête tous. Vas-y chica, croque la vie d'être douce. El padre de la norme. Envoie les masses, serre-moi un verre. Pour les masses, pour les frères. Des terres, le taf, moi je vais le faire. Hésitez si vous voulez, le taf, moi je vais le faire. J'avance, restez derrière. Le taf, moi je vais le faire. Envoie les masses, serre-moi un verre.